ce qui sort de la bouche du menteur. Qui peut dire qu'il peut se repentir de ses erreurs? Qui pardonne, puisque nous ne sommes que des hommes, que des hommes? Celui qui mélange le bien et le mal. Qui peut dire si ce n'est pas l'enfant d'un animal? Qui pardonne celui qui ne sait pas que l'amour se donne? L'amour se donne. Fait couler. Qui peut dire qu'il n'ira jamais recommencer?